Yeah, yeah, yo, yo, resurrect, yo, yo, yeah, yo. Et yo, je me lance encore une fois, je prends ma chance, parce que je crois en moi. Mais si ça m'a pris une coupe de moi avant d'avoir un résultat, c'est comme un combat. Pour vaincre les fake parts, je suis pas capable de rester assis. Yo, c'est pas des conneries, je suis mon cœur. Dans tout ce que j'écris, je pense toujours plus de temps à écrire ce que j'entends, même si de temps en temps. Le fait dire que ça pas d'allure, pis les parts, c'est une perte de temps. Mais écrire c'est dans le champ, pour que tu vois que ça vaut la peine. Mon but c'est pas venir riche comme la reine, mais je veux juste que tu comprennes que la richesse c'est mes textes, je m'affonds. Mais si tu me détestes, dans le rap, je suis rentré comme un intrus, une instru. Je démonte mon but au lieu de traîner des rues. Si un jour j'écris plus, c'est que je suis mort et enterré. Faut que tu fasses la différence en terrain, puisque tu vis. Vis-à-vis cette réalité, n'est pas de trêve. Une difficulté de la vie s'impose sans pause. Check les dommages que ça cause, yo. Les dommages que ça cause, yo. Check, check, yo. Yo, c'est comme ça que je perçois ce que j'écris. C'est une pile, yo. Tous ne sont plus forts, bah ça me tente pas. Fais d'amarre toute ma vie, yo, c'est pour ça. J'écris des torts au fake MC, yo, c'est comme ça que je perçois ce que j'écris. C'est une pile, yo. Tous ne sont plus forts, bah ça me tente pas. Fais d'amarre toute ma vie, yo, c'est pour ça. J'écris des torts au fake MC. Yo, le hip hop, c'est pour moi, comme une façon de démontrer. Qui se pense à mes pensées de vous montrer le résultat des journées entières à pratiquer. Écrire sans arrêter, j'fais mon shit à 100%. Pour le hip hop, j'aime mon sang. Donc encore dans 50 ans, les codices, yo, dans le temps. Resurrect était là, il poussait son shit à fond. Qui se souvient de mon nom, va passer dans le rap comme une prise. Je vais faire valoir mon entreprise par la prise du micro. Ce que je vis c'est pas gros lot. Mec mon flow transperce la tête comme un fucking left. Et puis mind, faut jamais tu désespères. Il faut se garder tout sur terre parce que peut-être que dans un an j'irai même plus vivant, fait que je vais vivre au présent. Je vais appeler à fond pendant 6 ans, à chaque instant je sors un mot, cette année je suis mon flow. J'suis pas là pour faire du dos, mais c'est comme ça. Je perçois ce que j'écris, c'est une pile, yo. Qu'est-ce que sont plus fort, bah ça me tente pas. Vive d'armes toute ma vie, yo, c'est pour ça. J'crée des torts au fake MC, yo, c'est comme ça. Que j'perçois ce que j'écris, c'est une pile, yo. Qu'est-ce que sont plus fort, bah ça me tente pas. Vive d'armes toute ma vie, yo, c'est pour ça. J'crée des torts au fake MC, yo, faut que tu mettes dans la taille. J'suis accro et pas, pour ça que j'bosse dans le sol. Tant qu'il y a un beat, yo, jamais j'm'arrête. Passe ma vie quand j'ai peint. Pour moi, elle m'assit, tu respectes, tu comprends. Jamais je me méprends, face à Stoss, pis comme avant, un fake move, pis tu loses. Les gars disent, ça coûte 10, c'est sûr, ça cache pas vite. C'est pour ça, je lâche la drogue, meilleur mouvement. Qui t'a sûrement déjà entendu parler, sinon, mais raise le son, vas-y, non, tu vas t'en faire baver. Mais reste dans l'ignorance, tu sais même pas quoi tu manques. Toutes mes pistes, passe mon shit, comme un beast, joue le mec. Avec éthique, je donne ma clique, j'suis pas du genre à clic-clic. Si je gagne, quand j'en arrache, mais j'tec mon bic. Avec mon micro, j'te crie ce yo, avec mon micro, j't'écris ce qu'au. Yo, oh, yo, c'est comme ça que j'perçois ce que j'écris, c'est une pile, yo. Qu'est-ce que le son plus fort, bah ça me tente pas. Vive ta mère toute ma vie, yo, c'est pour ça. J'crie des torts au fake MC. Fake MC, yo, yeah. J'crie des torts au fake MC. Resurrect, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, y